Como ahí, Ali Mula, Ali Mula, Moazin Makbo. Nous avons dit que les études, nous avons dit que nous avons dit que nous Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah.